Un feu d'artifice artisanal dans les chiottes. Ryder ce qu'il l'a fait, on s'en souviendra ou pas. J'ai trouvé quatre fusées, un briquet, un coin tranquille, les toilettes. Je vise le plafond, je ferme les yeux, et boum, le ciel s'ouvre, version fécale, mon vieux. Feu d'artifice dans les chiottes, yeah, c'est pas du skill, c'est de la voix. Frère Ryder skill, illumine les latrines, pendant que l'ennemi comprend rien à la combine. Un clochard AK veut piller mon coin, mais il glisse sur un god mitché de soin. Je rigole, je flush la victoire, mon bon cœur sent la poudre et la gloire. Tirage automatique activé. Hygiène désactivée. Et là, le plafond s'envole, littéralement. Feu d'artifice.